Une journée de ronsard. M'éveillant au matin, devant que faire rien, j'invoque l'Éternel, le Père de tout bien, le priant humblement de me donner sa grâce, et que le jour naissant, sans l'offenser, se passe. Qu'il chasse toute secte et toute erreur de moi, qu'il me veuille garder en ma première foi, sans entreprendre rien qui blesse ma province, très humble observateur des lois et de mon prince. Après, je sors du lit, et quand je suis vêtu, je me range à l'étude et apprends la vertu, composant et lisant, suivant ma destinée, qui sait dès mon enfance, aux muses inclinées. 4 ou 5 heures, seul, je m'arrête, enfermé. Puis, sentant mon esprit de trop lire assommé, j'abandonne le livre et m'en vais à l'église. Au retour, pour plaisir, 1 heure je devise. De là, je viens dîner, faisant sobre repas. Je rends grâces à Dieu. Au reste, je m'ébats. Car si l'après-dînée est plaisante et sereine, je m'en vais promener, tantôt parmi la plaine, tantôt en un village, et tantôt en un bois, et tantôt par les lieux solitaires et quoi. J'aime fort les jardins qui sentent le sauvage. J'aime le flot de l'eau qui gazouille au rivage. Là, devisant sur l'herbe avec un mi-ami, je me suis par les fleurs bien souvent endormi à l'ombrage d'un saule, où, lisant dans un livre, j'ai cherché le moyen de me faire revivre, tout pur d'ambition et des soucis cuisants, misérable bourreau d'un tas de médisants qui font, comme ravis, les prophètes en France, trompant les grands seigneurs d'une belle apparence. Mais quand le ciel est triste et tout noir d'épaisseur, et qu'il ne fait au champ ni plaisant, ni bien sœur, je cherche compagnie, où je joue à la prime, je voltige, où je saute, où je lutte, où j'escrime, je dis le mot pour rire, et à la vérité, je ne loge chez moi trop de sévérité. Puis, quand la nuit brunette a rangé les étoiles, encourtinant le ciel et la terre de voiles, sans souci, je me couche. Et là, levant les yeux et la bouche et le cœur vers la voûte des cieux, je fais mon oraison, priant la bonté haute de vouloir pardonner doucement à ma faute.